parade des villes. Il y a Benoît Urbain. Ce nom lui va très bien. Dans mon rade des villes, on joue des vaudevilles. On joue des vaudevilles. Dans mon rade des champs, c'est la troupe des champs qui vient la veiller pour nous émerveiller. Dans mon rade des champs, dans mon rade des champs. Quand mon rade des villes par les soirs radiophiles, il devient radeau. Cap sur l'Eldorado, cap sur l'Eldorado, cap sur l'Eldorado. Rade des champs nous récite des chants de belle antiquité. Je voudrais tout quitter, je voudrais tout quitter, je voudrais tout quitter. Quitter pour partir loin du rade des champs, et pour ne plus pâtir de ce monde méchant, de ce monde méchant, de ce monde méchant. Quitter pour aller loin du rade des villes, à Venise ou Séville, cela peut bien m'aller, cela peut bien m'aller, cela peut bien m'aller.